Chapitre 19e. Mercredi 21 juillet. Brossard est passé lundi à la poste pour envoyer sa réponse à l'inspecteur d'académie. Pour éviter de faire courir le bruit de son départ, Adrien a dicté « Accepte le poste proposé, attend instruction ». Puis il se rend à la mairie pour effectuer les affaires courantes. Maxime entre dans le bureau et ferme la porte. « Ça y est, je vais aller au bureau des affaires militaires de Marseille. J'attends ma feuille de route. Tu m'écriras, dit Adrien ?»« Bien sûr que je t'écrirai. Et j'irai même te voir, peut-être. Tu charries, là. Ne me dis pas que tu vas prendre le bateau juste pour me serrer la pince. »« Mais non, mon beau légionnaire, c'est beaucoup plus simple que ça. » Et Adrien lui explique la décision qu'ils ont prise avec Mireille suite au poste qui lui a été proposé. « Ce n'est pas possible. C'est formidable, Adrien. » Maxime est aux anges et ne s'arrête pas de rire. À travers cette nouvelle, il sent lui aussi un grand poids quitter son cœur. « Dis, tu sais ce que j'ai choisi comme nouveau nom dans la Légion ?»« Tartarin, Ignace, Fanfan la Tulipe ?»« Non, arrête, c'est pas rigolo. Je m'appellerai Camille Kunz. » »« Oui, il fallait y penser. C'est intelligent. » »« De cette façon, tu les auras tout le temps avec toi, toutes les deux. » »« Bon, préviens-moi de ton départ. Ton cousin est arrivé ?» Oui, je lui ai tout expliqué, je crois qu'il s'en sortira très bien. Et ta mère? Elle est très contente d'avoir une femme à la maison pour l'aider et lui tenir compagnie. Je crois qu'elle a compris que je vais partir, mais elle ne dit rien. Allez, courage, Maxime, et pas un mot sur mon départ, d'accord? T'inquiète, on va s'esbigner comme des malfaiteurs, dit-il en partant. Vendredi 23 juillet. Maxime est passé voir Adrien et Mireille chez eux pour les embrasser une dernière fois. Ça y est, j'embarque dimanche matin sur le site d'Imabrouk. Dès que nous serons arrivés, nous t'enverrons notre adresse. Tu pourras venir chez nous en permission. Nous t'accueillerons à bras ouverts. Oh, je sais que je peux compter sur vous deux. Allez, alors, à bientôt. À bientôt, Camille. Lundi 26 juillet. Trinquier entre n'a pas décidé dans le bureau de Brossard. Adrien, le juge a décidé de continuer l'instruction de l'affaire Bréau. Je vais de ce pas appréhender Maxime pour interrogatoire complémentaire. De ce pas, ça va prendre du temps, Trinquier. À 7 heures, Maxime Agnel doit débarquer du Sidi Mabrouk en uniforme de légionnaire dans la rade d'Alger. Vous vous foutez de moi, Brossard ? Trinquier est devenu soudain très sérieux. Vous me décevez énormément. Vous le saviez, vous ne m'avez rien dit. Je ne suis ni son père, ni son frère, que je sache. Je lui ai laissé la liberté de ses actes comme à n'importe quel citoyen. Et que faites-vous de la présomption d'innocence ? Je ne sais pas comment m'aurait tiré à Gira. « Très bien, surtout si vous ne lui dites rien. Vous n'êtes pas censé savoir que Maxime s'est engagé dans la Légion. J'aurais très bien pu ne pas vous le dire. »« Et il a changé de nom ?»« Bien sûr, mais ça, c'est son secret. De toute façon, Trinquier, Maxime était innocent. J'en ai l'intime conviction. Et dites-vous bien que si, comme moi, vous aviez connu la captivité, vous préféreriez un coupable en liberté plutôt qu'un innocent derrière les barreaux. »« Bon. Eh bien, je ne sais rien. Et je vais envoyer Ménard et Boissier chercher Maxime Agnel. » Ils font leur rapport, et après, advienne que pourra, on verra bien. Jeudi 31 juillet. Adrien vient de recevoir sa nomination avec les billets pour la traversée, ainsi que tous les formulaires à faire signer sur place. Il y a également un chèque du Trésor public à encaisser sur sa banque. Sa femme et lui embarqueront mercredi 5 août. Aussitôt, il télégraphie à Favier le jour et l'heure de son arrivée, sans autre explication, pour éviter les commentaires de la postière. Il passe ensuite voir le maire pour le mettre au courant et lui recommander la plus grande discrétion. « Vous avez raison, Brossard. Vous êtes encore jeune. Et l'Algérie est un pays plein d'avenir. » Enfin, il monte chez Trinquier pour l'informer de la nouvelle. « Voilà, Trinquier. Moi aussi, je pars en Algérie. Vous êtes fou, Brossard. Vous êtes aussi engagé. Mais non !» lui répond Adrien en riant. Et il explique à Trinquier le nouveau poste qui lui a été proposé. Il a même porté son livre pour lui montrer les vues du pays. Il lui annonce enfin la grossesse de Mireille. Vous avez bien fait, Brossard. Et je ne vous en veux plus pour Maxime. Il regarde les photos, songeur. Et moi qui vais prendre ma retraite en septembre, je vais rester ici comme un couillon. Eh bien, venez, vous aussi. Trinquier secoue lentement la tête de droite à gauche. Oh non, Adrien, plus maintenant. Mais écrivez-nous. Et vos maisons, toutes les deux, qui va s'en occuper ? Nous allons en vendre une et l'autre, nous la garderons pour les vacances, si nous avons le mal du pays. Alors je vous fais une proposition, gardez-les toutes les deux. L'une, vous me la louerez, parce que je ne saurais pas où aller avec mon épouse, puisque jusqu'ici j'étais logé. Et l'autre maison, je m'occuperai de son entretien. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Vous m'enverrez ponctuellement les factures des réparations. Bon voyage, Adrien, et merci. J'espère que nous nous reverrons dans pas trop longtemps. À la tombée du jour, Adrien et Mireille montent à la colline et s'emplissent les yeux d'un dernier panorama du décor de leur vie, ce paysage beau mais rude, aux arbres tordus par le vent. Ils n'éprouvent pas vraiment de nostalgie, car l'attente de l'avenir leur inspire un sentiment mélangé d'espoir, d'appréhension et d'une petite pointe d'angoisse. Pour protéger Mireille du mistral, Adrien la place devant lui et la serre dans ses bras. Leurs mains se rejoignent, tous deux regardent dans la même direction, le sud. « Ça ne te fait rien de quitter ton pays à cause de moi ?» lui demande Adrien. Elle s'appuie plus fortement contre lui. « Mais mon pays, c'est toi, imbécile. Je serai bien partout pourvu que j'y sois avec toi. J'espère que là-bas, il y aura moins de vent qu'ici. » Ils échangent un long baiser, puis Adrien se dégage des bras de Mireille. « Demain, j'ai une visite d'obligation à rendre. Tu vas dire au revoir au curé ?» plaisante Mireille. « Mais non, Chippy, j'ai remercié quelqu'un. Tu verras, je te dirai après. » Le lendemain, Adrien frappe à la porte de Maître X, le notaire. Une vieille gouvernante, pleine de suspicion, noire comme une corneille, le reçoit en le toisant des pieds à la tête. Il se présente et demande à voir le maître des lieux. « Je vais voir si Maître X peut vous recevoir, » lui dit-elle d'un ton qui laisse peu d'espoir. Au bout d'un instant, la duègne revient pourtant traînant les pieds. « Suivez-moi. » Le notaire est assis à son vaste bureau, toujours impeccablement mis, de fines lunettes en or sous le bout du nez. Il se lève à demi et fait signe à Adrien de prendre un siège. « Que puis-je pour vous, monsieur Brossard ?»« Tout d'abord, maître, je tenais à vous remercier du fond du cœur, car sans votre témoignage, je serais encore sous les verrous, peut-être. Mais je n'ai fait que mon devoir de citoyen, monsieur Brossard, et rien d'autre. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne savais pas que mon témoignage allait vous innocenter. Alors vous voyez, vraiment, vous n'avez pas à me remercier. Ce qui veut dire que si vous aviez su que vos déclarations allaient m'innocenter, vous n'auriez pas à témoigner. Le notaire lève les bras au ciel. « Je n'ai jamais dit cela, monsieur Brossard, ne vous enflammez pas. Je veux simplement vous dire que je n'ai fait que répondre à l'appel à témoins, sans penser à l'utilisation que les gendarmes pouvaient faire de ma déposition. C'est tout. Veuillez m'excuser, maître, mais je suis très chatouilleux sur certains plans depuis que... Je comprends, monsieur Brossard. Vous êtes bien excusable. » Les deux hommes échangent un sourire qui clôt l'incident. Je suis également venu vous voir pour autre chose, maître. Voilà. Je vous demande la plus grande discrétion. Bien évidemment, monsieur Brossard. Je vous écoute, répond le notaire en joignant les mains. Et Adrien le met au courant de leur départ prochain, son épouse et lui. Il lui demande conseil pour l'administration de leurs biens immobiliers à tous deux, au cas où il leur arriverait quelque chose en Algérie. Le notaire lui promet de rédiger un acte pour le lendemain. « Je vous remercie infiniment de votre diligence, cher maître, et vous demande encore une fois de me pardonner mon impulsivité. » Adrien sort de cet entretien l'esprit en paix. Autant mettre en règle toutes leurs affaires avant de partir pour l'aventure.